plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur les ondes vintage de CBL 105 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie. Et cette semaine, on met le feu à l'antenne de CBL. Et oui, le grenier pop, c'est un retour dans mes vieux souvenirs. Et dans ces souvenirs, il y a de la musique. Il fut une époque au Saguenay où je sortais avec mes amis pour aller danser. Donc cette semaine, on fait un peu différent. Je me tais et on écoute ces vieux hits remixés qui m'ont fait danser. Allez, on monte le son. Bon retour à la maison et bon début de week-end. Make my day. Make my day. Make my day. think you understand control. But control is only an illusion. And feelings, they don't obey. They repeat, repeat, they stay. Feel, heal, heal, cold, hey, hard, hard, hard, hard. Yeah.

Finally see the pattern.